moi. Ouais. Tu sais ce qu'on voulait faire avec cette chanson? Ouais, j'avais écrit un texte, des paroles de ouf, mais... Tu t'en souviens, Hélène? J'ai envie d'un autre plat, là. Ouais, c'était sur les saints, en fait. Les saints, genre la religion? Non, pas ces saints-là, les saints, genre les Michon, les Robert. Ah, d'accord, ouais, bah il faut être plus précis, hein. Non, mais c'est ça, c'est une forme de ça. Ah oui, boobs, comme l'international, quoi. Ouais, mais oui, les boobs, les tits, quoi, enfin... D'accord, ouais. Les mamelles, la poitrine. Pourquoi pas? Les poires, les lentilles. Les poires, les ananas. Les melons, les abricots aussi. Non, pas les ananas. Ça marche pas, non. Non, mais même les tomates, les melons, les pastèques, voilà, ça donne tomate au nom, quoi. C'est toujours en comme le grec, quoi. Comme le grec. Ouais. Avec un œuf chaud plat et un fromage. Mais d'ailleurs, on va se faire un grec, là? Ouais, non. C'est chaud? Non, bah non, il a. C'est, non, c'est, putain, c'est quoi l'air déjà? L'air, ça faisait genre. Attends. Non, mais c'était plutôt. Ouais, je m'en rappelle. Ouais, mais... Elle était pas mal, hein, franchement. Non, mais c'est vraiment super bien. J'ai caché les paroles, franchement, j'étais torché, mais le truc c'est que. Mais franchement, c'est vraiment le bordel. Et la musique, elle continue, c'est la fin de la musique. C'est la fin de la musique.